Le périscope. Scène de musique innovante. Lorsque l'on vous questionne sur le 13 rue de Landine, sur le périscope, on entend depuis 10 ans résonner dans nos oreilles des concerts, des histoires, des anecdotes, des surprises, des créations de groupes. Pour répondre à cette question, quoi de mieux que de rencontrer un groupe qui fait partie des murs ? Super Gombo est une formation afro-funk lyonnaise. Ils emportent dans leur bagage le jazz, l'impro, les musiques d'Afrique de l'Ouest des années 70. Un répertoire qui s'étend de Josaoui Nul en passant par Fela Kuti et le tout puissant orchestre Polyrythmo de Cotonou. Le 1er novembre 2019, le collectif était à l'affiche pour un concert exclusif, fin de tournée de leur album Exploration, en présage d'un nouveau disque. L'occasion d'en savoir plus et d'avoir une visite guidée du Périscope par l'initiateur du groupe, le bassiste Étienne Kermark. Ouais, le Périscope, on est là tout le temps, on répète en bas, on a notre local de répète de Super Gombo. On était là au début quand ça s'est créé, on a assisté au premier concert et on est trop content de jouer là. Bah, notre fin de répertoire Exploration et on va présenter quelques morceaux du nouvel album, donc on est bien content de jouer à la maison. Bah, c'est une salle qui a été créée au départ par des musiciens, par un collectif dont je faisais partie qui s'appelait Le Gros Lectif, et puis d'autres bien sûr, et aujourd'hui qui a grandi, qui a évolué, qui aujourd'hui est devenu une SMAC. Mais nous, on a toujours eu en fait les portes ouvertes pour venir répéter, pour venir jouer ici. Donc d'ailleurs, on remercie toute l'équipe qui est maintenant en place et qui nous fait confiance pour nous proposer des moments de résidence, des moments de live. Et donc on est bien contents. Le premier concert que j'ai fait ici, je me souviens d'être arrivé très aviné et d'être allongé par terre devant ce bar là que tu vois ici et d'avoir insulté les musiciens, en l'occurrence Thibaut Fontana et Nicolas Frache, qui sont mes potes, d'escrocs au milieu d'un solo de free jazz. Ça, je crois que ça restait assez mythique. On fait des événements autour du foot qui n'ont plus rien à voir avec l'activité principale qui y est ici, mais c'est des événements un peu décalés où on met le match en fond et on joue et on improvise partout. Il y a plein de musiciens de Super Gombo qui y ont participé. Et donc, ouais, ça va avoir lieu d'ailleurs cet été là, pour la Coupe du Monde. Donc là, on est face à la scène avec... tout le matos qui grandit encore de plus en plus parce que le Périscope va avoir une deuxième salle dans pas longtemps. Donc là, on est face à la petite scène. Et bientôt, sur ma gauche, il y aura la grosse scène du Périscope à partir du mois d'avril, peut-être, si tout se déroule comme j'ai compris et prévu. Et donc, on sera sur une superbe salle de deux scènes magnifiques. Dans l'escalier, on descend doucement vers les caves où chaque musicien, chaque collectif ont un peu leurs locaux de répétition. Donc là, on va pouvoir trouver, par exemple... en face de nous, un local qui est plutôt occupé par des jazzmen. Donc voilà, ça joue du jazz. Et c'est un local qui est occupé par un batteur qui s'appelle Charles Clayette, que je vous recommande d'aller écouter, avec David Bressa notamment. Voilà, on passe devant le local des Bud Shakers, qu'on ne présente plus à Lyon, un groupe de soul mené par une équipe de super potes et qui font du très bon son. Ici, on a le local de Corentin Kemener, To Be Free Orchestra et autres. Manouche, Zophonique Orchestra, Blue, le nouveau projet à suivre. Au fond à droite, le local de Pince-Oreille avec tous les projets de Anne Quillet, avec Blast, avec tout un tas de choses qui sont écoutées. Et on va rentrer maintenant dans le local de Dur et Doux, qui nous font le plaisir de le partager avec nous, qui est donc un collectif lyonnais bien connu et qui font de la musique, on va dire, plutôt expérimentale, rock, psyché et autres noise. Bien décalé, bien marrant. On participe tous un peu en amenant un peu des influences, des idées, des sonorités aux morceaux. Moi, j'amène des morceaux qui sont plutôt des thèmes avec des mélodies, etc. Et en fait, on les retravaille au niveau rythmique et au niveau de l'arrangement tous ensemble pour avoir un truc qui soit vraiment axé groove, danse et où chacun puisse avoir un peu son son. Donc c'est sûr que ça fait une musique qui est dans l'afro-funk, mais qui est aussi assez personnelle parce que chaque musicien joue... c'est parti, se mélange avec les autres, etc. Donc on a quelque chose d'assez original en termes de rythmique, quoi. On répète depuis 10 ans, et pour cet album-là, on répète depuis 2 jours, mais on a aussi fait une résidence avant au Jack Jack à Bron, qu'on remercie d'ailleurs nous avoir accueillis pendant une semaine de création là-bas. Et du coup, on va encore répéter là tout le mois de novembre pour enregistrer début décembre. On va présenter un album qui sera pas loin d'un concept album comme on a pu l'avoir dans les années un peu 60-70, et des albums anglais, des Beatles et autres, toutes proportions gardées. Et on s'inspire d'eux parce que c'est des idées qui sont très bonnes d'avoir, plutôt que des morceaux qui s'enchaînent, un ensemble d'un album qui se tient du début à la fin avec une idée principale qui est développée au fil des titres. Donc on sera sur cette idée-là d'album et avec un travail sonore assez poussé. Donc on va vraiment aller plus loin dans la recherche de son. Pour ce qui est de la partie rythmique, oui, on va rester dans des rythmiques très africaines. Pour ce qui est de la partie plus habillage sonore et vraiment son et influence autre, on va vraiment pouvoir aller naviguer dans plein de choses et notamment dans la partie synthèse, synthé, etc., qui est vraiment issue de la pop, du rock, etc. On mélange d'autres influences avec un thème précis qui fait que je pense que ça sera cohérent. Ah ouais, je te conseille. C'est quoi le morceau que vous allez faire là ? Alors là, c'est un morceau qui s'inspire d'une musique, d'une rythmique de warba, de traditionnel. Burkina Faso, que j'avais commencé à composer et que Vim m'a largement aidé à remanier pour que ça devienne du autre chose, un peu plus dans le bon ton, dans le bon groove, et ensuite qui va se mélanger avec tout un tas d'univers. Tu vas voir, ça va être tout foufou. On finit la tournée d'Exploration, l'album qu'on a sorti en 2017 sur notre super label Z Productions. On en prépare un autre toujours sur ce même label pour donc 2020. Et donc là, demain, on va présenter une fin de tournée en présentant le live tel qu'on l'a joué depuis et faire un léger extrait au milieu du concert avec des nouveautés. Ça nous permet à nous de tester des choses en live et aussi, ça fait un petit goodies pour notre public. Et puis voilà, donc l'idée, c'était de présenter un peu quelques extraits du prochain album.